Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, que le temps me semble si loin. Une mémoire gravée en soi, tout à chacun. Esprit s'habitue du mal. L'amour est sans détail. Tout à chacun sa vie. Donner sans compromis. Nul ne sait le chemin qu'il prendra. Est-ce que c'est un choix d'avancer, de construire sa vie? Seul Dieu le verra. Avoir toutes ses chances en soi et avoir la foi. Dans la vie il y a des hauts, des bas et on avancera. Parfois j'ai tant douté, j'ai cette envie en moi de pouvoir toujours partager. Je veux dédier aux gens qui m'ont toujours poussé avant. Et maintenant c'est moi qui veux leur rendre toute cette joie. Nul ne sait le chemin qu'il prendra. Est-ce que c'est un choix d'avancer, de construire sa vie? Semble si loin, une mémoire gravée en soi, tout à chacun.